Mémoire d'outre-tombe par François-René de Chateaubriand, lu par Christiane Jehanne. Première partie, livre 6. Note. Ce livre a été écrit à Londres d'avril à septembre 1822. Il a été revu en décembre 1846. Fin de note. Prologue. Traversée de l'océan. Francis Tulloch. Christophe Colomb. Camoens. Les Açores. Île Graciosa, jeu marin, île Saint-Pierre, côte de la Virginie, soleil couchant, péril, j'aborde en Amérique, Baltimore, séparation des passagers, Tulloch, Philadelphie, le général Washington, parallèle de Washington et de Bonaparte, voyage de Philadelphie à New York et à Boston, Mackenzie, rivière du Nord, chant de la passagère. Monsieur Swift. Départ pour la cataracte de Niagara avec un guide hollandais. Monsieur Violet. Mon accoutrement sauvage. Chasse. Le carcajou et le renard canadien. Rat musqué. Chien pêcheur. Insectes. Montcalm et Wolf. Campement au bord du lac des Onondagas. Arabe. Course botanique. L'indienne et la vache. Un Iroquois, Sachem des Onondagas, Véli et les Francs, cérémonie de l'hospitalité, ancien grec, voyage du lac des Onondagas à la rivière Genesee, abeilles, défrichement, hospitalité, lit, serpent à sonnette, enchanté, cataracte de Niagara, serpent à sonnette, je tombe au bord de l'abîme, 12 jours dans une hutte, changement de mœurs chez les sauvages, naissance et mort, Montaigne, chant de la couleuvre, pantomime d'une petite indienne originale de Mila, incidence, ancien Canada, population indienne, dégradation des mœurs, vraie civilisation répandue par la religion, fausse civilisation introduite par le commerce, coureur de bois, factorerie, chasse, métis ou bois brûlé, guerre des compagnies, mort des langues indiennes, anciennes possessions françaises en Amérique, regret, manie du passé, billet de Francis Cunningham, manuscrit original en Amérique, lac du Canada, flotte de canots indiens, ruines de la nature, vallée du tombeau, destinée des fleuves, fontaine de jouvence, Muscogulges et Siminoles, notre camp, deux Floridiennes, ruines sur l'Ohio, quelles étaient les demoiselles Muscogulges, arrestation du roi à Varennes. J'interromps mon voyage pour repasser en Europe. Danger pour les États-Unis, retour en Europe, naufrage. 31 ans après m'être embarqué, simple sous-lieutenant pour l'Amérique, je m'embarquai pour Londres avec un passeport conçu en ces termes. « Laissez passer, disait ce passeport, laissez passer sa seigneurie le vicomte de Chateaubriand, pair de France, ambassadeur du roi près sa majesté britannique, etc. Point de signalement. Ma grandeur devait faire connaître mon visage en tout lieu. Un bateau à vapeur, nolisé pour moi seul, me porte de Calais à Douvres. » En mettant le pied sur le sol anglais, le 5 avril 1822, je suis salué par le canon du fort. Note. Le 5 avril 1822 est le jour de son arrivée à Londres. Il débarqua à Douvres dans la soirée du 4 avril. On lit dans le Moniteur du jeudi 11 avril, d'après les dernières nouvelles d'Angleterre, le paquebot français l'Antigone est entré le 4 avril au soir dans le port de Douvres, ayant à bord M. le vicomte de Chateaubriand, ambassadeur de Sa Majesté très chrétienne. Il est descendu à l'hôtel White, où il a passé la nuit. Le lendemain, au point du jour, il a été salué par les batteries du château, et une seconde salve a annoncé le moment de son départ pour Londres. Son Excellence est arrivé dans la capitale le 5, dans l'après-midi, avec une suite composée de 5 voitures. Sa demeure est l'hôtel habité précédemment par M. le duc de Cazes dans Portland Place. Fin de note. Un officier vient de la part du commandant m'offrir une garde d'honneur. Descendu à Shipwright Inn, le maître et les garçons de l'auberge me reçoivent, bras pendants et tête nue. Madame la mairesse m'invite à une soirée au nom des plus belles dames de la ville. Monsieur Billing, attaché à mon ambassade, m'attendait. Un dîner d'énormes poissons et de monstrueux quartiers de bœuf restaure monsieur l'ambassadeur, qui n'a point d'appétit et qui n'était pas du tout fatigué. Le peuple, attroupé sous mes fenêtres, fait retentir l'air de Houza. L'officier revient et pose malgré moi des sentinelles à ma porte. Le lendemain, après avoir distribué force argent du roi, mon maître, je me mets en route pour Londres, au ronflement du canon, dans une légère voiture, qu'emportent quatre beaux chevaux menés au grand trot par deux élégants jockeys. Mes gens suivent dans d'autres carrosses, des courriers, la malivrée, accompagnent le cortège. Nous passons Canterbury, attirant les yeux de John Bull et des équipages qui nous croisent. À Blackheath, bruyère jadis santé des voleurs, je trouve un village tout neuf. Bientôt m'apparaît l'immense calotte de fumée qui couvre la cité de Londres. Plongé dans le gouffre de vapeurs charbonnées comme dans une des gueules du Tartare, traversant la ville entière dont je reconnais les rues, j'aborde l'hôtel de l'ambassade, Portland Place. Le chargé d'affaires, M. le comte Georges de Caraman, les secrétaires d'ambassade, M. le vicomte de Marcellus, M. le baron, eux, de Cazes, M. de Bourquenay, les attachés de l'ambassade, m'accueillent avec une noble politesse. Tous les huissiers, concierges, valets de chambre, valets de pied de l'hôtel sont assemblés sur le trottoir. On me présente les cartes des ministres anglais et des ambassadeurs étrangers déjà instruits de ma prochaine arrivée. Le 17 mai de l'an de grâce 1793, je débarquais pour la même ville de Londres, humble et obscur voyageur, à Southampton, venant de Jersey. Aucune mairesse ne s'aperçut que je passais. Le maire de la ville, William Smith, me délivra le 18 pour Londres une feuille de route, à laquelle était joint un extrait de l'Alien Bill. Mon signalement portait en anglais François de Chateaubriand, officier français à l'armée des émigrés, French officer in the immigrant army, taille de 5 pieds 4 pouces, 5 feet 4 inches high, mince, thin shape, favoris et cheveux bruns, brown hair and fits. Je partageais modestement la voiture la moins chère avec quelques matelots en congé. Je relayais aux plus chétives tavernes. J'entrais, pauvre, malade, inconnu, dans une ville opulente et fameuse où M. Pitt régnait. J'allais loger à 6 shillings par mois sous le lattis d'un grenier que m'avait préparé un cousin de Bretagne, au bout d'une petite rue qui joignait Tottenham Court Road. Ah, monseigneur, que votre vie, d'honneur aujourd'hui si remplie, diffère de ces heureux temps. Cependant, une autre obscurité m'enténèbre à Londres. Ma place politique met à l'ombre ma renommée littéraire. Il n'y a pas un sot dans les trois royaumes qui ne préfère l'ambassadeur de Louis XVIII à l'auteur du génie du christianisme. Je verrai comment la chose tournera après ma mort, ou quand j'aurai cessé de remplacer M. le duc de Cazes auprès de Georges IV, succession aussi bizarre que le reste de ma vie. Arrivé à Londres comme ambassadeur français, un de mes plus grands plaisirs est de laisser ma voiture au coin d'un square et d'aller à pied parcourir les ruelles que j'avais jadis fréquentées, les faubourgs populaires et à bon marché où se réfugie le malheur sous la protection d'une même souffrance, les abris ignorés que je hantais avec mes associés de détresse, ne sachant si j'aurais du pain le lendemain, moi dont 3 ou 4 services couvrent aujourd'hui la table. À toutes ces portes étroites et indigentes qui m'étaient autrefois ouvertes, je ne rencontre que des visages étrangers. Je ne vois plus errer mes compatriotes, reconnaissables à leurs gestes, à leur manière de marcher, à la forme et à la vétusté de leurs habits. Je n'aperçois plus ces prêtres martyrs, portant le petit collet, le grand chapeau à 3 cornes, la longue redingote noire usée, et que les Anglais saluaient en passant. De larges rues bordées de palais ont été percées, des ponts bâtis, des promenades plantées. Regent's Park occupe auprès de Portland Place les anciennes prairies couvertes de troupeaux de vaches. Un cimetière, perspective de la lucarne d'un de mes greniers, a disparu dans l'enceinte d'une fabrique. Quand je me rends chez Lord Liverpool, j'ai de la peine à retrouver l'espace vide de l'échafaud de Charles Ier. Des bâtisses nouvelles, resserrant la statue de Charles II, se sont avancées avec l'oubli sur des événements mémorables. Que je regrette, au milieu de mes insipides pompes, ce monde de tribulations et de larmes, ces temps où je mêlais mes peines à celles d'une colonie d'infortunés. Il est donc vrai que tout change, que le malheur même périt comme la prospérité. Que sont devenus mes frères en émigration ? Les uns sont morts, les autres ont subi diverses destinées. Ils ont vu comme moi disparaître leurs proches et leurs amis. Ils sont moins heureux dans leur patrie qu'ils ne l'étaient sur la terre étrangère. N'avions-nous pas sur cette terre nos réunions, nos divertissements, nos fêtes et surtout notre jeunesse ? Des mères de famille, des jeunes filles qui commençaient la vie par l'adversité, apportaient le fruit semainier du labeur pour s'éjouir à quelques danses de la patrie. Des attachements se formaient dans les causeries du soir, après le travail, sur les gazons d'Amstel et de Primrose Hill. À des chapelles ornées de nos mains, dans de vieilles masures, nous prions le 21 janvier et le jour de la mort de la reine, tout ému d'une oraison funèbre prononcée par le curé émigré de notre village. Nous allions le long de la Tamise, tantôt voir surgir au dock les vaisseaux chargés des richesses du monde, tantôt admirer les maisons de campagne de Richmond. Nous, si pauvres, nous privés du toit paternel, toutes ces choses sont de véritables félicités. Quand je rentre en 1822, au lieu d'être reçu par mon ami, tremblotant de froid, qui m'ouvre la porte de notre grenier en me tutoyant, qui se couche sur son grabat auprès du mien, en se recouvrant de son mince habit, ayant pour lampe le clair de lune, je passe à la lueur des flambeaux entre deux files de laquais, qui vont aboutir à 5 ou 6 respectueux secrétaires. J'arrive, tout criblé sur ma route des mots « Monseigneur »,« My Lord »,« Votre Excellence »,« Monsieur l'Ambassadeur », à un salon tapissé d'or et de soie. Je vous en supplie, messieurs, laissez-moi. Trêve de ces « My Lord », que voulez-vous que je fasse de vous ? Allez rire à la chancellerie, comme si je n'étais pas là. Prétendez-vous me faire prendre au sérieux cette mascarade ? Pensez-vous que je sois assez bête pour me croire changé de nature parce que j'ai changé d'habit ? Le marquis de Londonderry va venir, dites-vous. Le duc de Wellington m'a demandé. Monsieur Canning me cherche. Lady Jersey m'attend à dîner avec Monsieur Brougham. Lady Guédir m'espère à 10 heures dans sa loge à l'opéra. Lady Mansfield à minuit à Almax. Miséricorde, où me fourrez ? Qui me délivrera ? Qui m'arrachera à ces persécutions ? Revenez, beau jour de ma misère et de ma solitude. Ressuscitez, compagnons de mon exil. Allons, mes vieux camarades du lit de camp et de la couche de paille. Allons dans la campagne, dans le petit jardin d'une taverne dédaignée, boire sur un banc de bois une tasse de mauvais thé, en parlant de nos folles espérances et de notre ingrate patrie, en devisant de nos chagrins, en cherchant le moyen de nous assister les uns les autres, de secourir un de nos parents encore plus nécessiteux que nous. Voilà ce que j'éprouve, ce que je me dis dans ces premiers jours de mon ambassade à Londres. Je n'échappe à la tristesse qui m'assiège sous mon toit qu'en me saturant d'une tristesse moins pesante dans le parc de Kensington. Lui, ce parc n'est point changé. Les arbres seulement ont grandi. Toujours solitaires, les oiseaux y font leur nid en paix. Ce n'est plus même la mode de se rassembler dans ce lieu comme au temps que la plus belle des Françaises, Madame Récamier, y passait suivie de la foule. Du bord des pelouses désertes de Kensington, j'aime à voir courir à travers Hyde Park les troupes de chevaux, les voitures des fashionables, parmi lesquelles figure mon Tilbury vide, tandis que, redevenu gentillâtre émigré, je remonte l'allée où le confesseur banni disait autrefois son bréviaire. C'est dans ce parc de Kensington que j'ai médité l'essai historique, que, relisant le journal de mes courses d'outre-mer, j'en ai tiré les amours d'Atala. C'est aussi dans ce parc, après avoir erré, au loin dans les campagnes, sous un ciel baissé, blondissant et comme pénétré de la clarté polaire, que je traçais au crayon les premières ébauches des passions de René. Je déposais la nuit la moisson de mes rêveries du jour dans l'essai historique et dans les Natchez. Les deux manuscrits marchaient de front, bien que souvent je manquasse d'argent pour en acheter le papier, et que j'en assemblasse les feuillets avec des pointes arrachées au tasseau de mon grenier, faute de fil. Ces lieux de mes premières inspirations me font sentir leur puissance. Ils reflètent sur le présent la douce lumière des souvenirs. Je me sens en train de reprendre la plume. Tant d'heures sont perdues dans les ambassades. Le temps ne me faut pas plus ici qu'à Berlin pour continuer mes mémoires. Édifice que je bâtis avec des ossements et des ruines. Mes secrétaires à Londres désirent aller le matin à des pique-niques et le soir au bal, très volontiers. Les gens, Peter, Valentin, Lewis, vont à leur tour au cabaret, et les femmes, Rose, Peggy, Maria, à la promenade des trottoirs, j'en suis charmé. On me laisse la clé de la porte extérieure, monsieur l'ambassadeur est commis à la garde de sa maison. Si on frappe, il ouvrira. Tout le monde est sorti, me voilà seul, mettons-nous à l'œuvre. Il y a 22 ans, je viens de le dire, que j'esquissais à Londres les Natchez et Atala. J'en suis précisément dans mes mémoires à l'époque de mes voyages en Amérique. Cela se rejoint à merveille. Supprimons ces 22 ans comme ils sont en effet supprimés de ma vie et partons pour les forêts du Nouveau Monde. Le récit de mon ambassade viendra à sa date, quand il plaira à Dieu. Mais, pour peu que je reste ici quelques mois, j'aurai le plaisir d'arriver de la cataracte du Niagara à l'armée des princes en Allemagne, et de l'armée des princes à ma retraite en Angleterre. L'ambassadeur du roi de France peut raconter l'histoire de l'émigré français dans le lieu même où celui-ci était exilé. Le livre précédent se termine par mon embarquement à Saint-Malo. Bientôt nous sortîmes de la Manche, et l'immense houle de l'ouest nous annonça l'Atlantique. Il est difficile aux personnes qui n'ont jamais navigué de se faire une idée des sentiments qu'on éprouve, lorsque du bord d'un vaisseau on aperçoit de toutes parts que la face sérieuse de l'abîme. Il y a dans la vie périlleuse du marin une indépendance qui tient de l'absence de la terre. On laisse sur le rivage les passions des hommes. Entre le monde que l'on quitte et celui que l'on cherche, on a pour amour et pour patrie que l'élément sur lequel on est porté. Plus de devoirs à remplir, plus de visites à rendre, plus de journaux, plus de politique. La langue même des matelots n'est pas la langue ordinaire. C'est une langue telle que la parlent l'océan et le ciel, le calme et la tempête. Vous habitez un univers d'eau, parmi des créatures dont le vêtement, les goûts, les manières, le visage ne ressemblent point aux peuples autochtones. Elles ont la rudesse du loup marin et la légèreté de l'oiseau. On ne voit point sur leur front les soucis de la société. Les rides qui le traversent ressemblent aux plissures de la voile diminuée et sont moins creusées par l'âge que par la bise, ainsi que dans les flots. La peau de ces créatures, imprégnée de sel, est rouge et rigide comme la surface de l'écueil battu de la lame. Les matelots se passionnent pour leur navire. Ils pleurent de regret en le quittant, de tendresse en le retrouvant. Ils ne peuvent rester dans leur famille. Après avoir juré 100 fois qu'ils ne s'exposeront plus à la mer, il leur est impossible de s'en passer. Comme un jeune homme ne se peut arracher des bras d'une maîtresse orageuse et infidèle. Dans les docks de Londres et de Plymouth, il n'est pas rare de trouver des sailors nés sur des vaisseaux. Depuis leur enfance jusqu'à leur vieillesse, ils ne sont jamais descendus au rivage. Ils n'ont vu la terre que du bord de leur berceau flottant, spectateurs du monde où ils ne sont point entrés. Dans cette vie réduite à un si petit espace, sous les nuages et sur les abîmes, tout s'anime pour le marinier. Une ancre, un voile, un mât, un canon sont des personnages qu'on affectionne et qui ont chacun leur histoire. La voile fut déchirée sur la côte du Labrador, le maître voilier lui mit la pièce que vous voyez. L'ancre sauva le vaisseau quand il eut chassé sur ses autres ancres, au milieu des coraux des îles Sandwich. Le mât fut rompu dans une bourrasque au cap de Bonne-Espérance. Il n'était que d'un seul jet. Il est beaucoup plus fort depuis qu'il est composé de 2 pièces. Le canon est le seul qui ne fut pas démonté au combat de la Chesapeake. Les nouvelles du bord sont des plus intéressantes. On vient de jeter le loch. Le navire file 10 nœuds. Le ciel est clair à midi. On a pris hauteur. On est à telle latitude. On a fait le point. Il y a tant de lieues gagnées en bonne route. La déclinaison de l'aiguille est de tant de degrés. On s'est élevé au nord. Le sable des sabliers passe mal. On aura de la pluie. On a remarqué des procellaria dans le sillage du vaisseau. On essuiera un grain. Des poissons volants se sont montrés au sud. Le temps va se calmer. Une éclaircie s'est formée à l'ouest dans les nuages. C'est le pied du vent. Demain, le vent soufflera de ce côté. L'eau a changé de couleur. On a vu flotter du bois et des goémons. On a aperçu des mouettes et des canards. Un petit oiseau est venu se percher sur les vergues. Il faut mettre le cap dehors, car on approche de terre, et il n'est pas bon de l'accoster la nuit. Dans l'épinette, il y a un coq favori et pour ainsi dire sacré, qui survit à tous les autres. Il est fameux pour avoir chanté pendant un combat, comme dans la cour d'une ferme, au milieu de ses poules. Sous les ponts habite un chat. Peau verdâtre, zébrée, queue pelée, moustache de crin, ferme sur ses pattes, opposant le contrepoids au tangage et le balancier au roulis. Il a fait deux fois le tour du monde et s'est sauvé d'un naufrage sur un tonneau. Les mousses donnent aux coques du biscuit trempé dans du vin, et Matou a le privilège de dormir quand il lui plaît dans le vitchoura du second capitaine. Le vieux matelot ressemble au vieux laboureur. Leurs moissons sont différentes, il est vrai. Le matelot a mené une vie errante. Le laboureur n'a jamais quitté son champ. Mais ils connaissent également les étoiles et prédisent l'avenir en creusant leurs sillons. À l'un, l'alouette, le rouge-gorge, le rossignol. À l'autre, la prochelaria, le courlis, l'alcyon, leurs prophètes. Ils se retirent le soir, celui-ci dans sa cabine, celui-là dans sa chaumière. Frêle demeure où l'ouragan qui les ébranle n'agite point des consciences tranquilles. If the wind tempestuous is blowing, still no danger they descry. The guiltness hurt its boon bestowing, soothes them with its lullaby, etc., etc. Si le vent souffle orageux, ils n'aperçoivent aucun danger. Le cœur innocent, versant son baume, les berce avec ses dodo, l'enfant d'eau, dodo, l'enfant d'eau, etc. Le matelot ne sait où la mort le surprendra, à quel bord il laissera sa vie. Peut-être, quand il aura mêlé au vent son dernier soupir, sera-t-il lancé au sein des flots, attaché sur deux avirons, pour continuer son voyage. Peut-être sera-t-il enterré dans un îlot désert que l'on ne retrouvera jamais, ainsi qu'il a dormi isolé dans son hamac au milieu de l'océan. Le vaisseau seul est un spectacle. Sensible aux plus légers mouvements du gouvernail, hippogriffe ou coursier ailé, il obéit à la main du pilote, comme un cheval à la main du cavalier. L'élégance des mâts et des cordages, la légèreté des matelots qui voltigent sur les vergues, les différents aspects dans lesquels se présente le navire, soit qu'il vogue penché par un haut temps contraire, soit qu'il fuit droit devant un aquilon favorable, font de cette machine savante une des merveilles du génie de l'homme. Tantôt la lame et son écume brisent et rejaillissent contre la carène, tantôt l'onde paisible se divise sans résistance devant la proue, les pavillons, les flammes, les voiles achèvent la beauté de ce palais de Neptune. Les plus basses voiles, déployées dans leur largeur, s'arrondissent comme de vastes cylindres. Les plus hautes, comprimées dans leur milieu, ressemblent aux mamelles d'une sirène. Animé d'un souffle impétueux, le navire, avec sa quille, comme avec le soc d'une charrue, laboure à grand bruit le champ des mers. Sur ce chemin de l'océan, le long duquel on n'aperçoit ni arbre, ni village, ni ville, ni tour, ni clocher, ni tombeau, sur cette route sans colonne, sans pierre militaire, qui n'a pour borne que les vagues, pour relais que les vents, pour flambeaux que les astres. La plus belle des aventures, quand on n'est pas en quête de terres et de mers inconnues, est la rencontre de deux vaisseaux. On se découvre mutuellement à l'horizon, avec la longue vue, on se dirige les uns vers les autres, les équipages et les passagers s'empressent sur le pont, les deux bâtiments s'approchent, hissent leurs pavillons, carguent à demi leurs voiles, se mettent en travers. Quand tout est silence, les deux capitaines, placés sur le gaillard d'arrière, se hêlent avec le porte-voix. « Le nom du navire ? De quel port ? Le nom du capitaine ? D'où vient-il ? Combien de jours de traversée ? La latitude et la longitude ? Adieu va !» On lâche les ris, la voile retombe, les matelots et les passagers des deux vaisseaux se regardent fuir, sans mot dire. Les uns vont chercher le soleil de l'Asie, les autres le soleil de l'Europe, qui les verront également mourir. Le temps emporte et sépare les voyageurs sur la terre plus promptement encore que le vent ne les emporte et ne les sépare sur l'océan. On se fait un signe de loin. Adieu, va, le port commun est l'éternité. Et si le vaisseau rencontré était celui de Cook ou de la Pérouse? Le maître de l'équipage de mon vaisseau Malouin était un ancien subrécargue, appelé Pierre Villeneuve, dont le nom seul me plaisait à cause de la bonne Villeneuve. Il avait servi dans l'Inde, sous le bailli de Suffrène, et en Amérique, sous le comte d'Estaing. Il s'était trouvé à une multitude d'affaires. Appuyé sur l'avant du vaisseau, auprès du Beaupré, de même qu'un vétéran assis sous la treille de son petit jardin dans le fossé des Invalides, Pierre, en mâchant une chique de tabac qui lui enflait la joue comme une fluxion, me peignait le moment du branle-bas, l'effet des détonations de l'artillerie sous les ponts, le ravage des boulets dans le ricochet contre les affûts, les canons, les pièces de charpente. Je le faisais parler des Indiens, des nègres, des colons. Je lui demandai comment étaient habillés les peuples, comment les arbres faits, quelle couleur avaient la terre et le ciel, quel goût les fruits, si les ananas étaient meilleurs que les pêches, les palmiers plus beaux que les chênes. Il m'expliquait tout cela par des comparaisons prises des choses que je connaissais. Le palmier était un grand chou, la robe d'un indien celle de ma grand-mère, les chameaux ressemblaient à un âne bossu. Tous les peuples de l'Orient, et notamment les Chinois, étaient des poltrons et des voleurs. Villeneuve était de Bretagne, et nous ne manquions pas de finir par l'éloge de l'incomparable beauté de notre patrie. La cloche interrompait nos conversations, elle réglait l'écart, l'heure de l'habillement, celle de la revue, celle des repas. Le matin, à un signal, l'équipage, rangé sur le pont, dépouillait la chemise bleue pour en revêtir une autre qui séchait dans les haubans. La chemise quittée était immédiatement lavée dans des baquets où cette pension de phoque savonnait aussi des faces brunes et des pattes goudronnées. Au repas du midi et du soir, les matelots, assis en rond autour des gamelles, plongeaient l'un après l'autre régulièrement et sans fraude leur cuillère d'étain dans la soupe flottante au roulis. Ceux qui n'avaient pas faim vendaient pour un morceau de tabac ou pour un verre d'eau-de-vie leur portion de biscuits ou de viande salée à leurs camarades. Les passagers mangeaient dans la chambre du capitaine. Quand il faisait beau, on tendait une voile sur l'arrière du vaisseau et l'on dînait à la vue d'une mer bleue tachetée çà et là de marques blanches par les écorchures de la brise. Enveloppé de mon manteau, je me couchais la nuit sur le tillac. Mes regards contemplaient les étoiles au-dessus de ma tête. La voile enflée me renvoyait la fraîcheur de la brise qui me berçait sous le dôme céleste. À demi assoupi et poussé par le vent, je changeais de ciel en changeant de rêve. Les passagers, à bord d'un vaisseau, offrent une société différente de celle de l'équipage. Ils appartiennent à un autre élément, leurs destinées sont de la terre. Les uns courent chercher la fortune, les autres le repos. Ceux-là retournent à leur patrie, ceux-ci la quittent, d'autres naviguent pour s'instruire des mœurs des peuples, pour étudier les sciences et les arts. On a le loisir de se connaître dans cette hôtellerie errante qui voyage avec le voyageur, d'apprendre maintes aventures, de concevoir des antipathies, de contracter des amitiés. Quand vont et viennent ces jeunes femmes, nées du sang anglais et du sang indien, qui joignent à la beauté de Clarisse la délicatesse de Sakuntala, alors se forment des chaînes que nouent et dénouent les vents parfumés de Ceylan, douces comme eux, légères. Parmi les passagers, mes compagnons, se trouvait un Anglais. Francis Tulloch avait servi dans l'artillerie. Peintre, musicien, mathématicien, il parlait plusieurs langues. L'abbé Nago, supérieur des Sulpiciens, ayant rencontré l'officier anglican, en fit un catholique. Il emmenait son néophyte à Baltimore. Je m'accointais avec Tulloch. Comme j'étais alors profond philosophe, je l'invitais à revenir chez ses parents. Le spectacle que nous avions sous les yeux le transportait d'admiration. Nous nous levions la nuit lorsque le pont était abandonné à l'officier de quart et à quelques matelots qui fumaient leurs pipes en silence. Tuta aequora silent. Le vaisseau roulait au gré des lames sourdes et lentes, tandis que des étincelles de feu couraient avec une blanche écume le long de ses flancs. Des milliers d'étoiles rayonnant dans le sombre azur du dôme céleste, une mer sans rivage, l'infini dans le ciel et sur les flots, jamais Dieu ne m'a plus troublé de sa grandeur que dans ces nuits où j'avais l'immensité sur ma tête et l'immensité sous mes pieds. Des vents d'ouest, entremêlés de calme, retardèrent notre marche. Le 4 mai, nous n'étions qu'à la hauteur des Açores. Le 6, vers les 8 heures du matin, nous eûmes connaissance de l'île du Pic. Ce volcan domina longtemps des mers non naviguées. Inutile phare la nuit, signal sans témoin le jour, il y a quelque chose de magique à voir s'élever la terre du fond de la mer. Christophe Colomb, au milieu d'un équipage révolté, prêt à retourner en Europe sans avoir atteint le but de son voyage, aperçoit une petite lumière sur une plage que la nuit lui cachait. Le vol des oiseaux l'avait guidé vers l'Amérique, la lueur du foyer d'un sauvage lui révèle un nouvel univers. Colombe dut éprouver une sorte de sentiment que l'écriture donne au créateur quand, après avoir tiré le monde du néant, il vit que son ouvrage était bon. Vidi Deus quod esset bonum. Colombe créait un monde, Une des premières vies du pilote génois est celle que Giustiniani, publiant un psautier hébreu, plaça en forme de note sous le psaume « Coeli enarrant gloriam Dei ». Vasco de Gama ne dut pas être moins émerveillé lorsqu'en 1498, il aborda la côte de Malabar. Alors tout change sur le globe. Une nature nouvelle apparaît. Le rideau, qui depuis des milliers de siècles cachait une partie de la terre, se lève. On découvre la patrie du soleil, le lieu d'où il sort chaque matin comme un époux ou comme un géant. Tanquam sponsus ut gigas. On voit à nu ce sage et brillant Orient, dont l'histoire mystérieuse se mêlait aux voyages de Pythagore, aux conquêtes d'Alexandre, aux souvenirs des croisades, et dont les parfums nous arrivaient à travers les champs de l'Arabie et les mers de la Grèce. L'Europe lui envoya un poète pour le saluer. Le cygne du Tage fit entendre sa triste et belle voix sur les rivages de l'Inde. Camoëns leur emprunta leur éclat, leur renommée et leur malheur. Il ne leur laissa que leur richesse. Lorsque Gonzalo Vilo, aïeul maternel de Camoëns, découvrit une partie de l'archipel des Açores, il aurait dû, s'il eût prévu l'avenir, se réserver une concession de 6 pieds de terre pour recouvrir les eaux de son petit-fils. Nous ancrâmes dans une mauvaise rade, sur une base de roche, par 45 brasses d'eau. L'île Graciosa, devant laquelle nous étions mouillés, nous présentait ses collines, un peu renflées dans leurs contours, comme les ellipses d'une amphore étrusque. Elles étaient drapées de la verdure des blés, et elles exhalaient une odeur fromentacée agréable, particulière aux moissons des Açores. On voyait, au milieu de ces tapis, les divisions des champs, formées de pierres volcaniques, mi-parties blanches et noires, et entassées les unes sur les autres. Une abbaye, monument d'un ancien monde, sur un sol nouveau, se montrait au sommet d'un tertre. Au pied de ce tertre, dans une anse caillouteuse, miroitaient les toits rouges de la ville de Santa Cruz. L'île entière, avec ses découpures de baies, de capes, de criques, de promontoires, répétait son paysage inverti dans les flots. Des rochers verticaux au plan des vagues lui servaient de ceinture extérieure. Au fond du tableau, le cône du volcan du Pic, planté sur une coupole de nuages, perçait, par-delà Graciosa, la perspective aérienne. Il fut décidé que j'irais à terre avec Tulloch et le second capitaine. On mit la chaloupe en mer. Elle nagea au rivage dont nous étions à environ 2000. Nous aperçûmes du mouvement sur la côte. Une prame s'avança vers nous. Aussitôt qu'elle fut à portée de la voix, nous distinguâmes une quantité de moines. Ils nous hélèrent en portugais, en italien, en anglais, en français, et nous répondîmes dans ces 4 langues. L'alarme régnait. Notre vaisseau était le premier bâtiment d'un grand port qui eût osé mouiller dans la rade dangereuse où nous étalions la marée. D'une autre part, les insulaires voyaient pour la première fois le pavillon tricolore. Ils ne savaient si nous sortions d'Alger ou de Tunis. Neptune n'avait point reconnu ce pavillon si glorieusement porté par Cybèle. Quand on vit que nous avions figure humaine et que nous entendions ce qu'on disait, la joie fut extrême. Les moines nous recueillirent dans le bateau et nous ramâmes gaiement vers Santa Cruz. Nous y débarquâmes avec quelques difficultés à cause d'un ressac assez violent. Toute l'île accourut. 4 ou 5 alguazils, armés de pics rouillés, s'emparèrent de nous. L'uniforme de Sa Majesté m'attirant les honneurs, je passai pour l'homme important de la députation. On nous conduisit chez le gouverneur, dans un taudis, où son Excellence, vêtue d'un méchant habit vert, autrefois galonné d'or, nous donna une audience solennelle. Il nous permit le ravitaillement. Nos religieux nous menèrent à leur couvent, édifice à balcon, commode et bien éclairé. Tulloch avait trouvé un compatriote. Le principal frère, qui se donnait tous les mouvements pour nous, était un matelot de Jersey, dont le vaisseau avait péri corps et biens sur Graciosa. Sauvé seul du naufrage, ne manquant pas d'intelligence, il se montra docile aux leçons des catéchistes. Il apprit le portugais et quelques mots de latin. Sa qualité d'anglais militant en sa faveur, on le convertit et on en fit un moine. Le matelot jerseyais, logé, vêtu et nourri à l'hôtel, trouvait cela beaucoup plus doux que d'aller serrer la voile du perroquet de fougue. Il se souvenait encore de son ancien métier. Ayant été longtemps sans parler sa langue, il était enchanté de rencontrer quelqu'un qui l'entendit. Il riait et jurait en vrai pilotin. Il nous promena dans l'île. Les maisons des villages, bâties en planches et en pierres, s'enjolivaient de galeries extérieures qui donnaient un air propre à ces cabanes, parce qu'il y régnait beaucoup de lumière. Les paysans, presque tous vignerons, étaient à moitié nus et bronzés par le soleil. Les femmes, petites, jaunes, comme des mulâtresses, mais éveillées, étaient naïvement coquettes, avec leurs bouquets de seringas, leurs chapelets en guise de couronne ou de chêne. Les pentes des collines rayonnaient de cèpes, dont le vin approchait celui de Féial. L'eau était rare, mais partout où sourdait une fontaine, croissait un figuier, et s'élevait un oratoire avec un portique peint à fresque. Les ogives du portique encadraient quelques aspects de l'île et quelques portions de la mer. C'est sur un de ces figuiers que je vis s'abattre une compagnie de sarcelles bleues, non palmipèdes. L'arbre n'avait point de feuilles, mais il portait des fruits rouges, enchâssés comme des cristaux. Quand il fut orné des oiseaux cérulés qui laissaient pendre leurs ailes, ses fruits parurent d'une pourpre éclatante, tandis que l'arbre semblait avoir poussé tout à coup un feuillage d'azur. Il est probable que les Açores furent connus des Carthaginois. Il est certain que des monnaies phéniciennes ont été déterrées dans l'île de Corvo. Les navigateurs modernes qui abordèrent les premiers à cette île trouvèrent, dit-on, une statue équestre, le bras droit étendu et montrant du doigt l'Occident, si toutefois cette statue n'est pas la gravure d'invention qui décore les anciens portulans. J'ai supposé dans le manuscrit des Natchez que chaque tasse, revenant d'Europe, prit terre à l'île de Corvo, qu'il rencontra la statue mystérieuse. Il exprime ainsi les sentiments qui m'occupaient à Graciosa, en me rappelant la tradition. J'approche de ce monument extraordinaire. Sur sa base, baignée de l'écume des flots, étaient gravés des caractères inconnus. La mousse et le salpêtre des mers rongeaient la surface du bronze antique. L'Alcyon, perché sur le casque du colosse, y jetait par intervalles des voiles langoureuses. Des coquillages se collaient aux flancs et aux crins d'airain du coursier, et lorsqu'on approchait l'oreille de ses naseaux ouverts, on croyait ouïr des rumeurs confuses. Un bon souper nous fut servi chez les religieux après notre course. Nous passâmes la nuit à boire avec nos hôtes. Le lendemain, vers midi, nos provisions embarquées, nous retournâmes à bord. Les religieux se chargèrent de nos lettres pour l'Europe. Le vaisseau s'était trouvé en danger par la levée d'un fort sud-est. On vira l'ancre, mais, engagée dans des roches, on la perdit, comme on s'y attendait. Nous appareillâmes. Le vent, continuant de fraîchir, nous eûmes bientôt dépassé les Açores. Fac pelagus mesquire probes, quo carbassa laxo. Muse, aide-moi à montrer que je connais la mer sur laquelle je déploie mes voiles. C'est ce que disait, il y a 600 ans, Guillaume le Breton, mon compatriote. Rendu à la mer, je recommençais à contempler ses solitudes, mais à travers le monde idéal de mes rêveries m'apparaissaient, moniteur sévère, la France et les événements réels. Ma retraite pendant le jour, lorsque je voulais éviter les passagers, était la une du grand mât. J'y montais lestement aux applaudissements des matelots. Je m'y asseyais, dominant les vagues. L'espace tendu d'un double azur avait l'air d'une toile préparée pour recevoir les futures créations d'un grand peintre. La couleur des eaux était pareille à celle du verre liquide. De longues et hautes ondulations ouvraient dans leurs ravines des échappées de vue sur les déserts de l'océan. Ces vacillants paysages rendaient sensible à mes yeux la comparaison que fait l'écriture de la terre chancelante devant le Seigneur, comme un homme ivre. Quelquefois, on eût dit l'espace étroit et borné, faute d'un point de saillie. Mais si une vague venait à lever la tête, un flot à se courber en imitation d'une côte lointaine, un escadron de chiens de mer à passer à l'horizon, alors se présentait une échelle de mesure. L'étendue se révélait surtout lorsqu'une brume, rampant à la surface pélagienne, semblait accroître l'immensité même. Descendu de l'air du mât, comme autrefois du nid de mon saule, toujours réduit à une existence solitaire, je soupais d'un biscuit de vaisseau, d'un peu de sucre et d'un citron. Ensuite, je me couchais, ou sur le tillac dans mon manteau, ou sous le pont dans mon cadre. Je n'avais qu'à déployer mon bras pour atteindre de mon lit à mon cercueil. Le vent nous força d'anordir et nous accostâmes le banc de Terre-Neuve. Quelques glaces flottantes rôdaient au milieu d'une bruine froide et pâle. Les hommes du Trident ont des jeux qui leur viennent de leur devancier. Quand on passe la ligne, il faut se résoudre à recevoir le baptême. Même cérémonie sous le tropique, même cérémonie sur le banc de Terre-Neuve. Et quel que soit le lieu, le chef de la mascarade est toujours le bonhomme tropique. Tropique et hydropique sont synonymes pour les matelots. Le bonhomme tropique a donc une bedaine énorme. Il est vêtu, lors même qu'il est sous son tropique, de toutes les peaux de mouton et de toutes les jaquettes fourrées de l'équipage. Il se tient accroupi dans la grande hune, poussant de temps en temps des mugissements. Chacun le regarde d'en bas. Il commence à descendre le long des haubans, pesant comme un ours, trébuchant comme Silène. En mettant le pied sur le pont, il pousse de nouveaux rugissements, bondit, saisit un seau, le remplit d'eau de mer et le verse sur le chef de ceux qui n'ont pas passé la ligne ou qui ne sont pas parvenus à la latitude des glaces. On fuit sous les ponts, on remonte sur les écoutilles, on grimpe au mât. Père Tropique vous poursuit. Cela finit au moyen d'un large pourboire. Jeu d'amphitrite qu'Homère aurait célébré comme il a chanté Protée, si le vieil Océanus eût été connu tout entier du temps d'Ulysse. Mais alors, on ne voyait encore que sa tête aux colonnes d'Hercule. Son corps caché couvrait le monde.